إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى في هذه الأمسية المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ خير شيخ سوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الدرس من دروس العقيدة من كتاب العقيدة الوسيطية، شرح الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. العقيدة الوسيطية شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. Très vite, on va faire une révision pour commencer le nouveau, inshallah ta'ala. On avait dit qu'il y avait trois sortes de tawhid. L'unicité, la l'unification, il y en a trois sortes. Si on fait les trois sortes, on est musulman, on est croyant. Sinon, il y a des problèmes. La première sorte, c'est faire l'unification de la seigneurie. أن الله عز وجل يعني هو رب كل شيء، وهذا يسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يعني أن يقر المرء أن الله تعالى هو الذي خلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يميته، هو الذي يدبر الكون. C'est que chaque personne doit attester que Allah عز وجل c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé la personne elle-même, c'est lui qui lui donne les bienfaits, c'est lui qui le fait mourir. De toute façon, c'est lui qui gère l'univers. C'est lui qui gère l'univers. On avait dit que ce tawhid, cette unification ou la unicité, ne rentrait pas quelqu'un dans l'islam. Si un kafir reconnaît cela, un mécréant reconnaît cela, il n'est pas encore croyant. Pourquoi ? Parce que même les kuffars disaient cela. Le Coran a cité « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُونَ اللَّهِ » Le Coran a dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. » Donc, les mécréants disaient, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est Allah qui avait tout créé. Mais ils ne sont pas devenus croyants, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut le deuxième tawhid. La deuxième sorte d'unicité, c'est tawhid al-ilahiyya. Et ça s'appelle tawhid al-uluhiyya et ça s'appelle tawhid al-ibada. C'est faire l'unicité des adorations. Maintenant que tu as reconnu que c'est Allah qui gère tout, qui t'a créé, que pas te faire mourir, que tu vas rencontrer, qui a le paradis, qui a l'enfer. Donc n'est-il pas logique que, après avoir reconnu cela et attesté, n'est-il pas logique, ou disons obligatoire, que tu l'adores? Sinon pourquoi reconnaître si tu l'adores pas? Quand je dis moi, on me dit, quand on me dit ne sors pas, il y a un lion devant la porte. Je leur dis ça, barakallahu fikoum. Ensuite, je sors. Ça veut dire que je n'ai pas reconnu que vraiment il y avait un lion. Je ne les ai pas cru. Si j'avais cru ces gens, je ne serais jamais sorti après qu'ils m'aient appris qu'il y a un lion devant la porte. Maintenant, toi, tu reconnais que l'Azur, c'est lui qui a tout créé, toi, etc. Ensuite, tu ne l'adores pas. Donc, c'est pour ça que l'Azur a dit dans le Coran, « وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْفَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » Il a dit beaucoup de croix, mais en même temps, ils sont des associateurs. Ils croient. Ça veut dire quoi? C'est l'unicité de la roubouya, la seigneurie. Et, wahum mushrikun, le shirk, l'association, dans quoi? Dans la divinité et dans les adorations de Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid fi roubouya, wama yu'minu, iman fi roubouya, illa wahum mushrikun, shirk fi ilahiyya. Et reste la troisième unicité très importante aussi, c'est l'unicité des noms et des attributs. Dire que tout ce que Allah Azza wa Jal, tous les noms dont l'Azul s'est nommé, je les reconnais. Tous les attributs que l'Azul s'est dit, c'est décrit dans le Coran et la Sunna, je dois les reconnaître et sans faire quatre fautes. Sans faire quatre fautes. Quelles sont les quatre fautes? Ne pas nier. Ne pas les nier. Ça s'appelle les négateurs. Ils disent, tu leur dis, Allah Azzawajal a dit qu'il a pas la main, ils disent, il n'a pas la main. Allah Azzawajal dit qu'il descendait chaque nuit, tu dis, il descend pas. Ce sont les négateurs. Deuxième sorte, ce sont ceux qui dévient le sens. Il te dit, d'accord, Allah Azzawajal a une main, ou la deux mains, comme vous dites, mais ce n'est pas le vrai sens, la main. Ça veut dire autre chose. C'est la puissance ou les bienfaits ou autre chose. D'accord, Allah Azzawajal, comme vous dites, il descend, mais c'est pas lui. C'est qui descend? C'est la rahma, la miséricorde qui descend, etc. Ce sont eux, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent, mais ils dévient le sens. Ils dévient le sens. Bien sûr, c'est pas la peine de donner les dalils. On en a fait plusieurs doros en ce sens. C'est juste un résumé. La troisième sorte, c'est ceux qui font, bon, on a dit ta'atil, tahrif, ceux qui font tamthil. Tamthil, ils disent ça, on reconnaît que l'azul a deux mains, par exemple, mais ses mains nous ressemblent. Donc, ça nous ressemble. Donc, il a deux mains comme nos mains. Ça, on reconnaît que l'azul a deux yeux. Donc, mes deux yeux comme nos yeux. Ça s'appelle, quoi, ça s'appelle tamthil. Ça veut dire que ce sont des ressembleurs. Ils font ressembler l'azul à ses créatures. Ils disent, il a deux yeux comme nos yeux, avec les soucis, les cils, etc. Il a, yani, s'il descend, il descend comme nous, on va de ce côté à l'autre côté, etc. Ce sont les ressembleurs, les ressembleurs. Et la quatrième sorte qui est aussi égarée, ce sont ceux qui cherchent le comment des choses. Comment Allah Azza wa Jalla a-t-il deux mains? Comment qu'elles sont faites donc ces deux mains? Comment qu'ils descendent? Comment ceci? Comment cela? Ils cherchent le comment des choses. Ce sont quatre groupes, quatre sectes égarés. Sunna wa Jama'a, alhamdoulilah, ils attestent ce que Allah Azza wa Jalla a, dont Allah Azza wa Jalla s'est décrit, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Ils attestent cela, yani, sans faire, sans nier, sans dévier le sens, sans ressembler, sans chercher le comment des choses. Quatre choses. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit, il a des mains, tu dis, l'azul a deux mains. Il t'a dit, il descend, tu dis, il descend. Il t'a dit, il rit, tu dis, il rit. Il s'étend. Il a deux yeux. Et comme ça. Mais, toutefois, en ayant dans le cœur, que jamais Allah Azza wa Jalla ne peut ressembler à une personne. Et jamais une personne ne peut ressembler à Allah. C'est impossible. Car, comme j'ai donné tout ça un exemple très facile, quand tu dis la main, ça ne veut rien dire si tu ne l'ajoutes pas au contexte. Dis-moi la main de qui? La main de l'homme, je vois à peu près c'est quoi. Je vois c'est quoi. La main du singe, déjà ça a changé un peu. Ce n'est pas la même chose. La main de qui? La main du couffin? La main du couffin, c'est toute autre chose. Elle n'a même pas les doigts. Donc, la main d'Allah, Allahu alam. Certes, il a une main, mais je ne sais pas comment. Et aussi, quand on dit ar-ra's, ar-ra's, c'est la tête. Quand tu dis en arabe, ar-ra's al-jabal, la tête de la montagne, tu veux dire le sommet. Quand tu dis la tête de l'homme, tu veux dire comme ça, une tête avec un visage, etc. Et quand tu dis ar-ra's al-mal, la tête de l'argent, ça veut dire que tu parles du capital. Et quand tu dis ar-ra's al-ibra, tu parles de la tête de l'aiguille, tu parles du trou. Et comme ça, ça change d'après le contexte. D'après, change d'après quoi? D'après le contexte. On dit, ra's al-isaba. Ra's al-isaba. La tête du groupe, ça veut dire le chef. Ra's. X et ra's al-isaba. Donc, le mot ra's, vous voyez, comme il a changé 5 ou 6 fois, d'après le contexte où je l'ai mis. Maintenant, quand je dis la main, elle change aussi. La main, à qui vais-je l'ajouter? Maintenant, si j'ajoute la main à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est une autre main, très très différente de nos mains. Ma'adallah qu'il y ait une ressemblance entre nous et lui. Seulement en les noms. Ensuite j'avais dit que la première bid'a qui est sortie, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la bid'a des khawarij, des kharijites, qui sont aussi, existent de nos jours et qui vont exister jusqu'à la fin du monde, comme j'ai dit la fois passée, le hadith sahih. Le premier homme qui est kharijite s'appelait Dhul Khuwaysera. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adil. Il l'a vu donner de l'or à des riches et ne pas donner aux pauvres. Il a dit, Adil, tu n'es pas injuste, sois injuste. Celui-là, c'est le premier kharijite, wal'iyadu billah. Il ne sait pas que l'islam, on donne de l'or, bien sûr, on donne aux riches. Pourquoi? Pour l'attirer. C'est pas qu'on ne veut pas donner aux pauvres. Mais avant là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère les riches aux pauvres. Seulement c'était pour les attirer. Pour qu'ils entre dans cet islam pour qu'il dise l'islam il est bien, etc. Ça s'appelle mu'allafatu qulubuhum. C'est pour ça qu'en islam, il est permis de donner la zakat. On la donne à qui? On la donne aux kuffars. Il est permis. Pourquoi? Si c'est dans le but de les faire rentrer dans l'islam. Si c'est dans le but de les faire rentrer en islam. Ensuite, celui-là, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de cet homme-là, hein, vont sortir une progéniture. Il va donner la description des Khawarij. Il va dire de ceux-là, de ce bon homme-là, de son dos, il va sortir une progéniture. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la description. Il a dit الخوارج وصفهم إلى ذي وصفهم بأنهم قال كلاب النار وقبلها أعطاهم بعض الأوصاف قال مثلا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم قال si vous les voyez comment ils font la prière vous dites votre prière peut-être n'est pas valable tellement ils font de prière ويحقر أحدكم قرآنه مع قرآنهم et ils lisent beaucoup le Coran si tu les vois lire tu dis ah peut-être ils sont plus justes que moi. Ils lisent beaucoup plus que moi. Sauf, ils lisent le Coran plus que nous. Ils font la prière plus que nous. Lakin il a dit, la yujawizu, taraqiyam, ou quelque chose comme ça, turquoisum. Non. La yujawizu taraqiyam. Il a dit ici que le Coran, ça veut dire, il n'est pas rentré dans le cœur. Il s'est arrêté seulement ici, dans la gorge. Et il les a décrits encore, il a dit, يقتلون أهل الإسلام. Ça c'est très important. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Il a dit, ils tuent les musulmans et les croyants. Et ils laissent les kuffars. C'est comme ça que font les khawarij, toujours les kharijites. Vous voyez les grandes fitnes, les grandes tueries qu'ils font. Ils les font jamais avec les yahouds, jamais avec les juifs. Toujours en Algérie, en Égypte, au Soudan, en Libye. Toujours c'est avec les musulmans. Ils tuent les musulmans, ils tuent jamais les kuffars. La hawla wa quwwata illa billah. Dans un autre hadith, il est cité que quelqu'un des kharijites, qu'est-ce qu'il avait? D'ailleurs, c'est certains de leurs signes. Quand ils mettent, par exemple, le khamis, ils l'enlèvent presque jusqu'au genou. Vous savez que le khamis ne doit pas descendre au-dessous des chevilles. Il doit être au-dessus des chevilles, mais pas jusqu'au genou. Il peut aller maximum la moitié du tibia, maximum. Ceux-là, ils lèvent plus haut, jusqu'au genou. Et ils sont la plupart du temps, hein, ils rasent le crâne, boule à zéro. Ils sont la plupart du temps, tu les vois la tête rasée, sans aucune raison. Ni ils vont au Hajj, ni à Umrah, ni à cause qu'ils sont malades, ni la chaleur. Non, ils aiment raser comme ça, car c'est leur hymne. Cela, qu'a dit le prophète, alayhi sallam, en eux, il a dit, « La in adraktum, la aqtulinnahum qitala ad. » Et dans un autre hadith, « Qitala thamud. » Il a dit, « Si je les rencontre, je les tuerai, comme a fait Ad, comme ils ont été tués Ad, c'est-à-dire je les exterminerai. Ensuite il a dit, فَإِنْ لَقِتُلُونَ فَقْتُلُونَ. Si vous les trouvez, tuez-les. كِلَابُ النَّارِ. Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Il a dit, quiconque les tuera, va aller en enfer. Il a dit, quiconque vous tuera d'eux, vous mourrez shahid. Regarde qu'est-ce qu'il a dit, on a des gens qui croient, qui font toute la journée la prière, et qui n'arrête pas de lire le Coran. Et il a dit, voilà ce que vous faites d'eux. Subhanallah l'Azim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené quelqu'un, qui n'était pas un kharijit, min al-sunnah, alhamdoulilah. Quelqu'un, il était sous. Ensuite, quelqu'un des compagnons a dit, yani, la'natallah alayk, ma akhtar na yu'adik. Il l'a maudit, un compagnon. Il a dit, tu es maudit toi, à chaque fois tu te sous et tu viens, on te ramène au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait le Soulah, je dis pas Soulah, c'est un Sahabi Jalil. Celui qui s'est saoulé s'appelait Abdullah ibn Himar. Parce qu'il faisait beaucoup rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on l'appelait Himar, on l'appelait An. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a ramené ce compagnon, il était saoul. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a entendu l'autre le mot dire, il lui a dit, la tal'anhu, ne le maudis pas. Innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ne le maudis pas, il aime Allah et son prophète. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Quelqu'un qui a bu du vin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le défend, lui dit ne le maudis pas. C'est quelqu'un qui aime Allah et son prophète. Ça veut dire, je sais qu'il aime Allah et son prophète, il s'est trompé, il a bu, etc. Entre parenthèses, ça c'est une lance enflammée contre les tekfiriens qui disent que quiconque boit de l'alcool, il est kafir. Il est kafir. Voilà un compagnon qui a bu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défendu même. Il ne l'a pas défendu à cause de la boisson, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas celui qui boit de l'alcool. Celui qui boit de l'alcool, il a fait un grand péché. Comme s'il avait tué ou fait la fornication, la même chose. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait lui que c'était quelqu'un qui aimait Allah et qui aimait son prophète et qui s'est trompé comme tout le monde se trompe. Donc, pourquoi il dit cela? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de quelqu'un qui a bu de l'alcool qu'il aimait Allah ou Rasulahu, et il a dit de l'autre ou bien d'autres qui font la prière du matin au soir et qui lisent le Coran du matin au soir, ce sont les chiens d'enfer. Tuez-les. Si vous les tuez, ils vont en enfer. Si vous tuez, ils vont chérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tellement c'est grave ce qu'ils font. Ça veut dire tellement c'est grave ce qu'ils font. C'est pour ça que les ulama disent le péché, c'est deux grandes sortes. Il peut être du côté des shahawats et il peut être du côté des shubuhats. Le péché peut être du côté des tentations et des désirs. Et le deuxième péché peut être du côté, yani, la fausse compréhension, par exemple, du Coran, etc. Yani, tu comprends pas bien les choses, etc. Tu as des shubuhats, ça s'appelle en arabe shubuhats. Les ulama ont dit, le péché, s'il est du côté du shubuhat, il est plus grand que celui que le péché du côté des tentations. Naam. Le péché qui est du côté des tentations, l'alcool, la drogue, ça c'est des tentations. Ça, Inch'Allah Ta'ala, il peut s'en éloigner très facilement. Mais si le péché est du côté des ambiguïtés, les choubourettes, il est du côté des ambiguïtés, celui-là, il est très grave, il est difficile. C'est pour ça que tu ne peux jamais, toi, par exemple, tu ne peux jamais convaincre un kharijite qui n'est pas dans le droit chemin. Toi, tu connais des tekfiriens. Tu peux dire à un tekfirien, non, ce n'est pas vrai le chemin que tu suis, etc. Il ne sera jamais convaincu. Pourquoi? Parce que son péché est venu du côté du quoi? Son égarement est venu du côté des ambiguïtés, des choubouhettes. Il croit que c'est lui qui a raison. Il n'est pas venu du côté des tentations. C'est pour ça, donc, celui qui a bu ici l'alcool, Abdullah ibn Himar, son péché, c'est quoi? C'est les tentations. Il peut s'en éloigner, Inch'Allah Ta'ala. Mais l'autre, les kharijites, il a ce qu'il dit les Corans beaucoup, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Cela, leur péché, c'était leur égarement, c'était du côté des ambiguïtés. Pourquoi? Ils ne suivaient pas la sunna, ils ont voulu comprendre le Coran sans la sunna, ils ouvraient le Coran comme ça, ils le lisaient. Cela donc, c'est pourquoi peut-être vous avez même remarqué, moi plusieurs fois, pas une seule fois, j'ai parlé avec des gens qui étaient sous, dès que tu lui parles deux mots du Coran, ils commencent à pleurer. Deux mots, tu lui dis trois mots. Pourquoi tu fais ça? C'est haram. Là, il commence à pleurer. Il se dit, demain, inshallah ta'ala, je vais prendre un bain, je vais commencer la prière et je regrette. Et que Allah me pardonne, c'est des soucis, etc., etc. Mais parler avec quelqu'un qui a des ambiguïtés, jamais vous pouvez ne le convaincre. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, inna Allah hajaba, dans une autre version qui est sahih, inna Allah hajaza. Inna Allah hajaba, c'est-à-dire qu'il a fait un voile entre lui et qui? Sahib al-Bida. Sahib al-Bida, lui, est celui qui fait l'innovation. Il a dit, Hatta yada'atu. Inna Allah hajaza tawbata an al-mubtadi hatta an sahib al-Bida, hatta yada'a bid'atu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal, c'est une barrière, yani il n'accepte pas le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il s'éloigne de son innovation. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est un égarement qui vient du côté des ambiguïtés, pas des tentations, des ambiguïtés. L'innovateur, jamais tu peux convaincre. Sauf peut-être 1 sur 1000, tu peux le convaincre. Et les autres 999 ados, tu ne peux pas convaincre, jamais, parce qu'ils ont des versets, ils ont des hadiths, ils ont... Mais c'est la compréhension qui est fausse. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une deuxième secte. Il a parlé des khawarij. Pardon, j'ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parlais de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Il parlait de la première secte qui est sortie. Ça s'appelle les kharijites. Ils vont rester malheureusement jusqu'à la fin du monde. Mais Allah Azza wa Jalla a promis que chaque kharijite qui sort, Allah Azza wa Jalla va lui couper les cornes. Comme dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, dans Mukhtasar al-Ulu al-Dhahabi. Il a dit, les kharijites resteront et sortiront jusqu'à ce que leur dernier viendra avec Nasih Dajjal, viendra avec l'Antéchrist. Ensuite, il a dit, à chaque fois qu'une corne sortira des kharijites, Allah Azza wa Jal la coupera. Alhamdulillah, c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va couper les cornes des kharijites C'est pourquoi ils n'arrivent jamais au chokm. Ils n'arrivent jamais au chokm. Ce qu'ils font seulement, ils tuent les gens, ils tuent les musulmans et ils laissent, comme j'ai dit, les mécréants. ثم حدثت بدعة القدرية المجوسية. Ensuite, il y a eu la deuxième bid'a, la bid'a de qui? La bid'a des qadariya et des majusiya. Pardon, qadariya c'est elle majusiya. La qadariya c'est une secte qui dit quoi? Il dit que tout ce que nous faisons, c'est pas Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Ça veut dire que toi, tu fais ce que tu veux. Et ils disent rien n'a été écrit. Rien n'a été écrit sur le tableau préservé, sur le Lawh al-Mahfouz. Rien n'a été écrit sur le Lawh al-Mahfouz. Même certains d'eux disent même ce qu'on fait, non seulement il n'a pas été écrit, mais pas vous ne le sait pas, jusqu'à ce qu'on le fasse. La hawla wa la quwwata illa billah. Il ne sait pas ce que tu vas faire dans une minute ou la demain, jusqu'à ce que tu le fasses. La hawla wa la quwwata illa billah. Quel grand égarement. Là, quand il a parlé des kuffars, il a parlé dans le Coran, il a dit que lorsqu'il va les mettre en enfer, ils vont demander, pleurer, etc. pour qu'il les fasse sourire. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et si je vais les faire revenir encore une fois dans ce bas monde, ils vont faire la même chose. Et ce sont des menteurs. Donc, là, c'est quoi? C'est la chose qu'il n'a pas fait, si elle a été faite, comment elle aurait été faite, subhanallah al-azim. Sur les kuffars, ils ont seulement dit, descends-nous, là, on a regretté. L'azim, il a dit non. Pourquoi? Parce que si je vous descends, il a su que s'il allait les faire descendre, ils allaient faire exactement ce qu'ils avaient fait auparavant. Subhanallah. Et ceux-là, ils disent non. L'azim ne sait pas ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on le fasse. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette secte. Il a dit dans un hadith sahih, Cheikh al-Albani sahafi dilal sunnah numéro 342, il a dit inna li kulli ummatin majusan. Il a dit chaque, il y a pas le son. Tamallah, il y a pas le son, moi je trouve que c'est normal ici devant moi. Naam. Moi, je trouve que c'est normal. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li kulli ummatin majusin. Il a dit chaque nation a les majus. Les majus, je ne sais pas comment vous dire en français, mais les majus, ils adorent le feu. Les majus, leur religion, c'est adorer le feu. Nous, on adore l'Azza wa Jal, eux, ils adorent le feu. Non. Il a dit le prophète alayhi salam a dit chaque nation a ses adorateurs de feu, les majus, les mazdéens. Chaque nation a ses mazdéens, c'est-à-dire ceux qui adorent le feu. Wa inna majus hadhihi al-umma, et les mazdéens, les adorateurs de feu de cette de ma nation, comme ça dit le prophète, de ma nation, al-qadriya. Ce sont la sept anglais, al-qadriya, ceux qui disent Allah Azza wa Jal ne sait pas ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on le fasse. Et que tout ce qu'on fait n'a pas été écrit sur le tableau préservé. Donc le prophète, il a dit, ce sont ceux-là les adorateurs du feu de ma nation. C'est comme s'il voulait dire, dans la nation du prophète, on n'a jamais vu quelqu'un allumer du feu et l'adorer. Mais il a dit, ceux-là, ce sont les adorateurs du feu. Ceux qui disent, ce n'est pas écrit sur le tableau préservé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous connaissez quelqu'un qui dit par exemple, rien écrit sur le tableau préservé, il a dit, si ton malade, ne lui rendez pas visite. S'il meurt, ne faites pas la prière sur son cercueil, ne faites pas la prière du mort, ne la faites pas. Et dans un autre hadith, il a dit, si vous les rencontrez, ne leur dites pas salamu alaykum. Pourquoi? Parce que comme je le dis, c'est quelque chose, bien sûr, de très grave. Ensuite, après cela, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous sommes toujours, bien sûr, dans l'introduction, on n'est pas rentré dans le livre. Parce qu'il a dit, ثم حدثت بدعة الإرجاء. Après cela, il y a une autre bid'a qui est venue, une autre innovation. La première, c'était les Kharijites. Ensuite, ceux-là, les bases des Hadou, de la nation du prophète, hein, c'est-à-dire les Mazdéens de la nation du prophète. Ensuite, c'est qui? Ensuite, c'est l'Irja, le Murja. Le Murja, qu'est-ce qu'ils disent? ce sont des gens qui disent l'iman, la foi pour être croyant, c'est seulement tu attestes avec ton cœur et tu dis seulement avec ta langue. Tu dis shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu et ce qu'il y a plus ajouté à ce qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire que faire ou ne pas faire les actions, ça n'a pas d'importance. Yani, tu pries, tu ne pries pas, tu vas au hajj, tu ne vas pas, tu fais le péché, tu ne fais pas, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, et même tu es devenu croyant en attestant dans ton cœur, en disant avec ta langue, « Shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ». C'est pour ça qu'ils disent, ils ont une phrase très célèbre, je vais essayer de la traduire en français, ils disent que « La yadurru, la yadurru ma'al imani masiya, wa la yinfa'u ma'al shirki ta'a ». Ils disent cela, que quiconque est ikhlas et croyant, il a reconnu avec son cœur, il a dit avec sa langue, même si tu es péché, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est un mu'min. Rien ne peut annuler sa croyance. Et ils disent, « Wa la yinfa'a », et quand ils disent, quand on est kuffar, « La yinfa'a », il n'y a rien qui peut être, par exemple, bénéfique. « La yinfa'a ma'al iman ta'a », yani, si tu fais une ta'a, si tu fais quelque chose d'âme, quelque chose que Allah Azzawajal aime, même si tu es kafir, yani, ça ne te donne rien. Alors cela, bien sûr, c'est une secte, mal-SF, elle existe beaucoup, même de nos jours. Et cette secte, comme je dis ça, ça s'appelle murji'a, c'est du verbe en arabe, arja'a yurji'u. Maintenant, arja'a, yani, akhara, il a retardé, akhara. Il a mis en arrière, il a mis la chose en arrière. C'est quelque chose qui est mis en arrière, pourquoi? Ils ont retardé ou ils ont mis en arrière les actions. Ils ont dit, on se suffit seulement de l'attestation dans le cœur et sur la langue. Maintenant, les actions, il les retarde, il les enouane, il les repousse. Il dit, ça n'a pas d'importance. Comme la Zouj a dit dans le Coran, وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله et d'autres ils seront inshallah ta'ala ils ont été repoussés jusqu'à ce qu'ils rencontrent la Zawajal. Donc المرجئة هو كما قلت لا يقولون لا تضرك المعصية مع الإيمان. Si tu as attesté dans ton cœur, tu as dit avec ta bouche, ta langue, شهدوا لا إله إلا الله شهدوا محمد عبد ورسوله, tu peux voler, boire l'alcool, Cheikh Al-Thaymin dit, boire l'alcool, faire la fornication, tuer, ça n'a pas d'importance pour tuer mu'min. Donc, celle-là, c'est une secte aussi égarée. Hein, vous devez savoir que les actions, ça a un grand rôle, ça a beaucoup de rôle. Là, Zawajal a dit dans le Coran, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah Azza wa Jalla a juré par la prière de l'Asr, ou bien par l'univers, ça s'appelle aussi l'Asr, إن الإنسان لفي خسر, que toute personne est, yani, a perdu, elle va perdre. C'est une perdante. Toute personne. Sauf, آمنوا, إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui ont cru et fait les actions, les bonnes actions. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ أَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَيَحْيَا. Quiconque rencontrera Allah Azza wa Jalla criminel, c'est-à-dire mécréant, il aura l'enfer où il ne sera ni vivant ni mort. C'est comme ça l'enfer. Tu veux mourir, il n'y a pas la mort. Parce que si tu meurs, khalas, alhamdulillah, si tu es mort, je ne ressens rien. Tu veux mourir, il n'y a pas la mort. Dès que tu vas mourir, Allah Azza wa Jalla le ressuscite de nouveau et lui donne un corps de nouveau, la peau de nouveau, tout nouveau, pour pouvoir être brûlé de nouveau. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. L'azul va dire, chaque fois que leur peau, khalas, elle est brûlée, je leur donne une nouvelle peau. Pourquoi? Pour qu'ils goûtent le châtiment de l'enfer. Donc, celui qui me rencontrera criminel, il rentre en enfer, il ne sera ni mort ni vivant. ومن يأتي به مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجة الأولى. Et quiconque rencontrera Allah Azza wa Jalla, mu'min, croyant, qad amila salihat, il a fait les bonnes actions, ceux-là auront darajat ula, ceux-là auront les grands, grands, yani, degré à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Mu'minan, celui qui me rencontrera, mu'minan, croyant, et il a fait les bonnes actions. On va faire les bonnes actions. Ensuite, il roule, faja'a qawmun min adkiya ba'da hawla. Après ces trois sectes, je répète, la première secte, c'était les Kharijites, ensuite c'est les Qadariya, les Qadirites, les Majus al-Umma. Ensuite la troisième, il a dit al-Irja, al-Murji'un, al-Murji'a, c'est la troisième, al-Murji'a. Ensuite, la quatrième, c'est qui? La quatrième, c'est le Mu'tazila. C'est le Mu'tazila qui est venu. Mais avant cela, je pense que je dois vous donner comme ça un aperçu très clair sur en ce qui concerne l'Iman, puisque j'ai parlé des Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent de l'Iman. Donc, qu'est-ce qu'on dit de l'Iman? Pour que vous sachiez ça très vite, Inch'Allah Ta'ala, vous devez savoir que, il y a une secte qui a dit la croyance, l'Iman, pour être croyant, il suffit que tu saches que Allah Azza wa Jal existe, c'est tout. Ça s'appelle Jamia. Ça s'appelle la secte, elle s'appelle Jamia. Elle dit tu connais, ta'arif, ma'arifa. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit. À cela, qu'est-ce qu'on va dire? Le shaitan aussi, c'est que Allah existe et plus que ça, lui a parlé. Et pourtant, il n'est pas devenu croyant. Donc, ceux qui disent que l'iman, la croyance, c'est quelque chose dans le cœur, c'est quoi? Si tu sais que Allah existe, tu reconnais que Allah existe. On dit, pardon, Iblis, c'est que Allah existe, tous les kuffars savent que Allah existe, et ils ne sont pas devenus croyants. Ensuite, ça ressemble un peu à cette secte, ça s'appelle les Jahmites. La deuxième secte, ça s'appelle l'Asha'ira. Ça ressemble un peu à cette secte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'Iman, c'est pas seulement connaître, mais lui dit, tasdiq, tu dois croire. C'est pas seulement yani, connaître, mais croire, attester que Allah Azza wa Jal, yani, moudoud, existe. Et tawhid chez eux, nous, tawhid chez nous, c'est tawhid al-rubiyyah, ilahiyya al-asma al-sifat, ça, la seigneurie, la divinité, les noms et les attributs. Non. Et tawhid chez eux, c'est quoi? C'est dire qu'il n'y a pas de Dieu, de Dieu que Allah. Tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, ilahiyya Allah? Il te dit, ça veut dire, il n'y a aucun Dieu que Allah. Et beaucoup de musulmans, mal à sauf, disent cela. Tu demandes à un musulman, tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, ilahiyya Allah? Il te dit, il n'y a pas de Dieu que Allah. Ça, c'est faux. Il faut dire, il n'y a pas de Dieu qui mérite l'adoration sauf Allah. Il n'y a pas de Dieu qui mérite l'adoration sauf Allah. La différence entre les deux, c'est quoi? Celui qui dit, il n'y a que Dieu, que Allah, on lui dit, tu as menti. C'est plein de Dieu dans cette vie. Chacun, certains, leur Dieu, c'est le soleil, l'autre, les autres. Leur Dieu, c'est le feu, les autres. Leur Dieu, c'est les statues. Les autres, leur Dieu c'est le vent, les autres, leur Dieu c'est les passions et les tentations, les autres, leur Dieu c'est la femme, les autres, leur Dieu c'est l'argent, tout ça c'est des dieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qatifa, Ta'isa abdul khamila. Il a dit abd, Ta'isa, malheureux celui qui adore l'argent, malheureux celui qui adore le satin, malheureux. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Christophe, je me suis trompé. C'est moi qui ai cliqué. J'ai cliqué sur la croix dès que j'ai fermé la salle, sans le vouloir. Malheureux, le prophète a dit, malheureux celui qui adore le dinar. Malheureux celui qui adore le velours. Malheureux celui qui adore. Donc il a employé le mot adore. C'est ça l'ibada. Donc il y a des gens. Donc celui qui adore le dinar, ça veut dire son dinar, c'est son Dieu. Celui qui adore le velours, le satin, c'est son Dieu. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des hommes qui, parfois, peut-être sans le vouloir, il dit à une femme ou je sais pas qui, lui dit je t'adore. Ça veut dire, c'est ça l'adoration. Ça veut dire, il a pris cette personne comme Dieu. Celui-là, bien sûr, il est dans un grand égarement. C'est pour ça que Allah a dit dans le Coran, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. As-tu vu celui qui a adoré? Je disais que, donc, maintenant j'ai oublié où j'étais, c'est un peu adoré, donc il faut dire quand on vous demande c'est quoi la ilaha illallah, ne dis pas il n'y a pas de Dieu, il y a plein de dieux. Dis, il n'y a pas de Dieu qui mérite l'adoration. il dit il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc il y a une secte qui ont dit c'est l'iman, c'est dans le cœur, hein, vous, comme a dit l'Asha'ira et les autres. Ensuite, non, je vais t'enlever. Et il y a d'autres qui ont dit quoi? Ils ont dit l'iman, c'est quelque chose qui est dans le cœur, plus quoi? Plus quelque chose, yani plus tu attestes avec ta langue. Ceux-là ont ajouté l'attestation avec la langue. Ils ont dit, tu ajoutes avec la langue. Ça veut dire, certes, l'islam c'est dans le cœur, mais tu ajoutes avec la langue. C'est ça le murji'a. C'est ça le murji'a. Tu dis l'islam, il est dans l'iman, il est dans le cœur. Et en même temps, je dis, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, c'est aussi faux. C'est aussi faux. Pourquoi? Ils ont dit seulement le cœur et la langue. Ça s'appelle murji'a. Et les troisièmes, la troisième secte, qu'est-ce qu'elle dit? Celle-là, c'est plus grave. Elle dit, iman, c'est seulement la langue. Si tu dis, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan rasulullah, ça m'intéresse pas ce qu'il y a, ou ça m'intéresse pas ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es croyant. Le fait de dire, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan rasulullah, tu es croyant. Ça s'appelle, cette secte, ça s'appelle Karamiya. Cette secte, elle est plus égale que les autres. Elle dit seulement, tu dis avec ta langue, khlas, ça suffit. Ça n'a même pas besoin du cœur. Cela, on va leur dire, donc tous les hypocrites iront au paradis. C'est pour ça, cette secte dit, l'hypocrite, c'est un croyant qui va aller en enfer. Comme ça dit cette secte. Elle dit, l'hypocrite, c'est un croyant. Pourquoi c'est un croyant? Parce que d'après eux, il a dit, il est là avec la langue. Mais ils disent, il va aller en enfer. Un croyant qui va aller éternellement en enfer. Et ensuite, reste le quatrième groupe, c'est qui? Le quatrième groupe, Al-Sunna al-Jama'a. Et en même temps, les Mu'tazila, en même temps, les Kharijites, les trois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, l'iman, la croyance, c'est quoi? C'est quelque chose dans le cœur, tu attestes dans le cœur, ensuite tu dis avec ta langue, ensuite tu fais les actions. Ça, c'est qui ont dit cela, c'est Al-Sunna al-Jama'a et les Kharijites et les Mu'tazila. On dit, iman, c'est quelque chose dans le cœur, tu attestes, ensuite tu dis avec ta langue, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ensuite tu fais les actions. Mais Al-Sunna al-Jama'a, pour se différencier de cela, ils ont dit, nous, chez nous la croyance, on va ajouter quelque chose. C'est quoi? C'est certes avec le cœur attesté, certes dire avec la bouche certes faire les actions, la prière, etc. Mais l'iman indana, la croyance chez nous, yezid wa yunqus, grandit et faiblit. Quand on fait des adorations, l'iman grandit. Quand on ne fait pas, on commence à faire des béchis, l'iman faiblit. Mais les autres khawarij mu'tazila qui ont dit comme nous, ont dit non, l'iman ne grandit pas, ne faiblit pas. C'est pour ça que donc nous, alhamdoulilah, on les a envoyés de loin. Al-Khalas, donc, vous ne dites pas comme nous. Nous, on dit l'iman, c'est dans le cœur, sur la langue et les actions, et en même temps, il grandit et il faiblit. Quand tu fais les actions, il grandit. Tu ne fais pas les actions, tu fais les péchés, il faiblit. Vous avez remarqué, vous ne remarquez pas que quand tu fais le jeûne, le jeudi, lundi, quand tu vois pas le haram, quand tu t'éloignes du haram, quand tu ne dis que ce que Allah Azza wa Jal aime, tu ne vois pas que tu sens yani, quelque chose dans ton cœur. Tu sens halawa iman. Tu sens l'iman dans ton cœur. Tu sens comme du sucre. Ça s'appelle halawa. Tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu es réjoui. Tu es heureux. Et le contraire. Tu ne sens pas que quand quelqu'un, par exemple, vole ou laisse la zina ou là, comment qu'il a le cœur. Yani, il a un grand pincement dans le cœur. Il a un grand chagrin de se tirer les cheveux. Pourquoi? Parce que l'iman a descendu. Donc le iman, c'est comme le thermomètre. Il monte, ensuite il peut descendre. Il peut monter en haut, ce qui peut descendre presque tout à fait en bas. Mais eux, les Kharijites et les Mu'tazila ont dit non, ils ne montent pas et ils ne descendent pas. C'est pour ça que maintenant je veux vous résumer ça, yani d'une façon peut-être, je vais essayer de dire quelque chose qui soit, inshallah ta'ala, compréhensif. Qu'est-ce que je vais dire? Chose. Nous, l'homme, le corps humain, on a le cœur, les choses les plus importantes. On a le cœur, on a la langue, et on a les instruments. Je vais les appeler des instruments, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles. Les instruments, pourquoi Allah t'a donné les instruments? Pour que tu t'aides afin de l'adorer. avec la main, tu les lèves pour faire la prière, les pieds, tu vas à la mosquée, tu vas au travail, la bouche, tu manges pour devenir corps, etc. Donc, cela sont les instruments. Maintenant, on a le cœur, la langue et les instruments. Certains ont dit, la croyance, c'est seulement dans le cœur. C'est seulement le cœur. Cela s'appelle qui ? S'appelle les Jahmites et les Asha'ira. Avec la différence que les Jahmites ont dit, tu dois seulement savoir, yani connaître Allah, les Jahmites ont dit connaître Allah, et les Asha'ira ont dit, non, il a dit attester, saddaq. Mais les deux, ils sont restés seulement dans le cœur. Donc cela on dit seulement le cœur. Ensuite, il y a une secte, une autre secte, elle est partie directement à la langue. Elle a dit l'iman, la croyance, c'est seulement la langue. Tu dis avec ta langue, shahadu la ilaha illallah, shahadu muhammad rasulullah, ça y est. Celle-là, ça s'appelle Karamiya. Cette secte, ça s'appelle Karamiya. C'est une secte égarée. Ensuite, il y a le milieu. Certains qui ont dit quoi? Ils ont dit, la croyance, c'est le cœur, tu attestes dans ton cœur, plus tu dis avec la langue. Ça s'appelle Murji'a. Ça s'appelle Murji'a. Ils ont dit, c'est pas la peine des actions. Le cœur plus la langue. Et Al-Sunnah al-Jama'a ont dit, le cœur plus la langue plus les actions. Et puisque les Mu'tazila et les Kharijites ont dit la même chose, un Sunnah al-Jama'a ont ajouté quoi? Ont ajouté Yazid wa yunqas. Il grandit et il descend. Ensuite, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on est seulement à la préface. On est seulement à la préface. Ensuite, il y a les Jahmites. Il y a les Jahmites qui sont venus. Les Jahmites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, pardon, j'ai pas terminé avec les Mu'tazila. Maintenant, c'est les Mu'tazila qui sont venus. Auparavant, c'était les Kharijites, la première bid'a, ensuite les Qadirites, ensuite les Murji'a, maintenant les Mu'tazila. Pour que vous connaissiez les Mu'tazila, c'est qui? Quand je vais vous dire quelque chose, certains gens vont nous dire, ou là vont vous dire, bon, les Juifs sont en train de tuer les gens au Liban, nos frères, je ne sais pas où, meurent, ils sont suicidés, etc. Et vous êtes toujours en train de parler des Mu'tazila, des Shia, des Kada, des choses, des sectes qui étaient autrefois, etc., et qui n'existent plus maintenant, etc. Nous, à cela, on dit, Barakallahu fik, Jazakallahu khair, Ahsanallahu ilik. Nous, nos frères, on ne les a pas oubliés, Inch'Allah Ta'ala. Nos frères, on leur fait des doigts, et les Yahoud, on les connaît. C'est pas, Inch'Allah Ta'ala, toi qui vas nous dire qui sont les Yahoud. On les connaît, les Yahoud, qu'est-ce qu'ils ont fait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de lui mettre du poison, comme a fait Ismaïl Zaynab, il lui a fait du poison pour le tuer. On sait ce qu'ils ont fait au prophète auparavant, on sait combien qu'ils ont tué de prophètes, on sait tout ça, on sait. Et que la fin du monde ne sera pas avant qu'il y a le djihad contre quoi? Contre les juifs qui vont se cacher derrière les arbres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains gens n'ont pas, yani, la distinction, ils ne distinguent pas. Ils ne savent pas que le djihad, c'est pas toi qui le fais. C'est les ulama qui disent. C'est pas toi. Toi, quand, tant que le alam n'a pas parlé de djihad, toi, alhamdoulilah, imam Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras aucun problème. C'est quand les grands alam qui connaissent savent si c'est le djihad ou pas. C'est pas moi qui sais, moi. Je connais deux mots. Je connais cinq hadiths et 10 versets. Qu'est-ce que je connais, moi? C'est pas un agriculteur ou un mécanicien qui va me montrer le djihad, il va me dire va au djihad. Ce sont les grands ulama, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même les ulama eux-mêmes n'ont pas le droit de parler du djihad s'ils ne sont pas des grands ulama, les mujtahidin. Naam. Il a l'ikhtisas. Pas n'importe qui, pas n'importe quel alim peut parler du djihad. Donc quand les grands ulama disent c'est le djihad, on va voir ce jour-là qui va aller au djihad et qui ne va pas y aller. Mais ici, ce qui se passe au Liban, certains ne savent même pas quoi, ne savent pas que Hezbollah, c'est l'un des Hezbollah les plus égarés du monde. L'un des Hezbollah les plus égarés du monde. Et certains disent, qui ne savent pas bien sûr, ils disent par exemple, si je pouvais aller avec eux, ou si je pouvais aller faire avec, la guerre avec eux, ou la contre les autres, tu fais la guerre avec eux, tu ne sais pas qui sont ceux-là. Tu fais la guerre avec quelqu'un qui dit la'anatullah ala Omar ibn Khattab. Et l'anatullah ala Abu Bakr, et qui dit que Aïcha fait la zina, et qui dit que Ali peut créer des gens, et qui dit l'anatullah ala Amr ibn al-As, Et qu'il dit le Khomeini a dit dans son kitab, dans son livre très connu, le Khomeini l'islamia, je l'ai lu, si j'ai pas oublié, page 48, il a dit, nous, les A'imma, on a certains de nos genres, inna lana, min al-A'imma, qui peuvent même gérer l'univers. Ça veut dire faire tomber la pluie, faire le soleil, ne pas laisser le lever, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc toi, tu vas faire la guerre avec cela et tu vas attendre que Allah Azza wa Jal se fasse triompher. Masha Allah. Et lui qui dit quoi? In tansurullah yansurkum. Il a dit si vous faites triompher ce que Allah Azza wa Jal vous a dit de faire, là vous aurez le triomphe. Et si tu vas avec des gens qui insultent le... Même le prophète, ils disent beaucoup de choses de lui. Ça suffit qu'ils disent que sa femme a fait la fornication. Ça suffit. Quand ils disent que sa femme a fait la fornication, ça veut dire que c'est une khabitha. Et le Coran a dit le khabithat ou le khabithin. Donc lui, c'est un khabith. Voilà, ça suffit. Tu vas faire la guerre avec cela. Mais je voudrais pas, je sais pas où j'étais. C'était juste une parenthèse. Ensuite, est venu le Mu'tazila. Voilà ce que je voulais dire. Nous, on doit connaître ces choses, on doit connaître ces sectes, car si par exemple je ne connaissais pas la secte de la Shia, et que je ne connaissais pas que ce sont des criminels, j'aurais été maintenant au Liban pour faire la guerre avec eux. Donc, alhamdoulilah, moi je connais les Shia, et je connais ce qu'ils sont, et quelle est leur valeur, indallah, demain, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ils disent, comme ça, ils ont dans le cœur, yani, l'atifa, ils parlent comme ça, sans haine. Mais allez, je dis comme ça très vite, les khawarij. Maintenant, je vais essayer d'avoir les yeux fixés sur qui ne sont pas. On a dépassé le temps. Sur les Murtazela, le N, je peux soutenir, j'ai pas bien compris. Allez, Mali, je répète quelque chose, je répète certaines choses. On finit à 23h, cher. 23h européenne ou là, ici? Le DAS, 23h européenne ou la couétienne, Baraklaou Fik. Européenne. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé de 20 minutes, ça? Dis-moi si c'est vrai. On a dépassé de 20 minutes? Oui. D'accord, alors j'arrête, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit de choses très intéressantes que vous n'avez pas entendues, mal asif, parce que maintenant répéter c'est khalli inshallah ta'ala la prochaine fois je vais répéter. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah dans 5 minutes les questions. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa salatu salam ala rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En ce qui concerne Ousmane, je suis désolé, les meilleures choses, je les ai dites quand ça s'est coupé. Les meilleures choses, je les ai dites quand ça s'est coupé. Inch'Allah Ta'ala, je demande à ceux qui n'ont non pas les points rouges, la fois prochaine, Inch'Allah, de me faire ressouvenir, de parler de... les sectes, en ce qui concerne l'Iman. En ce qui concerne l'Iman, et surtout de me rappeler, en ce qui concerne les Kharijites, car j'étais en train d'expliquer les Kharijites, qui disaient que quiconque fait la zina, c'est un kafir. Quiconque boit de la cause, c'est un kafir. Et ils ont un hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yizni zani hina yizni wa huwa mu'min. Ou la yishrabu al-khamra hina yishrabu wa huwa mu'min. Il y a un hadith, où c'est mentionné que quiconque yani boit de l'alcool, c'est pas un croyant, d'après eux. Et quiconque fait la zina, c'est pas incroyable. Hada, je l'avais bien expliqué à la fin, mais qaddara Allahu ma shaa. Dis-moi autre chose. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé de Yahoud et du Hezbollah du Liban? Est-ce que vous avez entendu ça ou là c'était pas arrivé aussi? Ah, d'accord. Non, le début seulement? Non, je l'ai terminé, inshallah ta'ala, puisque je suis allé à autre chose. Non, j'ai dit que... Non, j'ajoute une chose. Il y a un alim en Arabie Saoudite, un grand alim. Tous vous connaissez, c'est sûr. Il s'appelle Ibn Jibrin. Non, ce alim, hier, quelqu'un a lu sa fatwa. Il a dit sa fatwa, qu'il est interdit à quiconque il est interdit à quiconque de faire la guerre en étant sous had le hizb de Hezbollah. Il a dit, ce hizb c'est un hizb khabit, c'est un hizb de shaitan, il est interdit à quiconque musulman de faire la guerre avec lui. Et quiconque il a dit sera avec lui, il est donc des leurs. Quiconque fera la guerre avec eux, il est des leurs. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vous ai dit ce qu'il faisait, et comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, je me rappelle maintenant d'une chose. Vous savez ce qu'a dit Cheikh l'Islam? Je l'ai lu de mes propres yeux. Il a dit, il ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'islam que des kuffars, des mécréants, sont venus faire la guerre aux musulmans sans que les chiites ne soient du côté des kuffars au lieu d'être du côté des musulmans. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamais. Par exemple, les tatars viennent, par exemple, ils veulent rentrer dans un pays musulman, c'est les chiites les premiers qui vont être de leur côté. Les kuffars vont rentrer dans un pays musulman, c'est toujours les chiites qui sont de leur côté. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous, bien sûr, on est tous des kuffars, on est des nawasib, on n'aime pas Ali, etc. Eux, ce sont les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la reine d'Arika. Si vous saviez que au moment où je suis en train de vous parler, il y a des femmes, des hommes et des enfants qui sont égorgés en Irak. Par qui? Par les chiites. Maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, il y a les chiites qui sont en train de quoi faire? D'égorger les frères, d'égorger vos frères en Irak. Oul'ayyadou billah. En Irak, naam. Ils sont en train de le faire. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion jamais pour eux de faire cela. J'ai dit Abdurrahman ibn Jibril. Abdullah ibn Jibril. C'est Abdullah ibn Jibril qui a dit cela. Sans savoir. Naam. Il y a des djuhels qui, comme maintenant, par exemple, beaucoup d'Égyptiens, ils te disent Aizen Gahed, je veux la guerre. Tu veux la guerre avec qui? Tu veux la guerre. Tu sais pas que pour faire la guerre, il faut qu'il y ait la raya. Il faut qu'il y ait la raya. Tu sais pas qu'il faut qu'il y ait le chef pour faire la guerre. Tu sais pas que le hadith sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari a dit إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامِ لِيُتَّقَ بِهِ وَيُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ. C'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut qu'il y ait l'imam, c'est-à-dire le chef, le croyant, pas le chef de Hezbollah, le chef, le vrai chef, qui sera derrière lui pour faire la guerre. La guerre, c'est pas toi qui l'as fait, tu prends 5 ou 6 ta famille, tes voisins, tu dis on va faire la guerre. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Tout est, bien sûr, tout est avec ces conditions, etc. Al-Muhim, اسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع إخواننا في العراق ومع أمهاتنا وأبائنا وأولادنا وإخواننا وفي كل مكان وأن ينصرنا الله عز وجل على الأعداء. سلام. نعم. يا كيكاين في كيمودي شيخ عبد الله جبرين. نعم عبد الله جبرين سيك ابن جبرين. فما الله سي سكو جو لي دير كيسكو فو دير أونكور. Inch'Allah ta'ala, on commence par la première question. Naam, ils ont dit, ça, ce que tu as dit est vrai. Naam, Abdullah ibn Jibril, à ce que tu as dit, naam. Il y a certains qui ont dit qu'il avait ceci, certains qui ont parlé de ça, c'est de fiyah. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'il y a déjà une fatwa en ce sens. Il y a déjà, des gens ont déjà parlé, ont dit qu'on ne peut pas faire la guerre avec cela. Même si ces gens qui ont dit cela ont des erreurs ou là, mais ils l'ont déjà dit. Yani, ça, c'est pas la peine d'essayer de dire je vais aller au Liban ou là. Omar Abdelrahman, tafadali. Et puis tu sais, Khouna Abdelaziz, tu sais, quand quelqu'un fait une erreur, dès qu'il l'a fait, alhamdoulilah, tous les ulama parlent. Ils disent attention, évitez cette chose, elle est forte. Lui, quand il a dit ça, personne ne lui a dit ça, ce que tu as dit, si c'est faux. Même il y a quelqu'un qui est avec moi, il m'a dit, tous là-bas, ils sont d'accord avec cette fatwa. Pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas faire avec un chiite, un khabit. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Salamu alaikum wa rahmatullah. Par rapport au dors d'hier, je voudrais savoir si Adam alayhi salam avait vu Allah et pouvait vous confirmer que le prophète alayhi salam ne l'a pas vu. Barakallahu fikum. Naam. Le shaitan, n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan n'a pas vu Allah subhanahu, pardon, je parle de Adam, non, je parle de Adam alayhi salam. Il n'y a aucune personne, depuis que Allah Azza wa Jal a créé le monde, qui a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Car, très simple, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vu. Quand il est descendu de l'ascension, on lui a dit, as-tu vu Allah Azza wa Jal? Il a dit Nour, Anna Ara. Et dans un autre hadith, il a dit Nar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Nour, il a dit, il y avait une lumière, comment pouvais-je le voir? Donc les ulama ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah, et le prophète est la meilleure créature, comment un autre l'aurait-il vu du style être Adam alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux que tous les prophètes, ça tout le monde le sait. Si le meilleur des prophètes ne l'a pas vu, comment le verrait-il celui qui est moins mieux? Ensuite, autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit « وَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَرَى اللَّهَ حَتَّى يَمُوتِ وَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَرَى اللَّهَ حَتَّى يَمُوتِ Et sachez que personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il meure. Et même pas les anges. Il n'y a personne qui a vu Allah subhanahu wa ta'ala, ni les anges, ni les malaïka, ni les prophètes, ni les shayatin. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut le voir. Jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce qu'il meure. Voilà comment on dit, al sunna ou al-jama'a, inshallah ta'ala. Aliya, tafaddal. Il y a quelqu'un qui me demande ici pourquoi les chiites disent que Ali c'est Allah subhanahu wa ta'ala, awalan, pour ne pas mentir sur les gens, c'est pas tous les chiites qui disent ça, c'est une secte. Moi, j'ai entendu la cassette de mes propres oreilles. Si on m'avait dit, j'aurais pas cru. Jusqu'à ce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit, à quelqu'un lui a dit maudit, tu es maudit. Je crois, il parlait de Amr ibn al-As. Il lui a dit, la'anatallah alayki Amr, tu es maudit. Ensuite, il lui a dit, ne sais-tu pas qu'une main est sortie de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était écrit sur la main « Oh Amr, pourquoi tu insultes Ali alors qu'il t'a créé ?» Pourquoi tu insultes Ali alors qu'il t'a créé ? Ensuite il a dit, cette même personne qui est un savant pour eux, il a dit « Ne sais-tu pas que le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla sera assis au milieu comme ça et il dira « Toi au paradis, toi à l'enfer, toi au paradis, toi à l'enfer. » Et puis il y a une grande secte, c'est connu, qui en son temps, lorsqu'Ali était vivant, radiallahu ta'ala anhu, ils lui ont dit tu es Allah, ils l'ont adoré. Et Ali, radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé de grandes tranchées, il a allumé le feu, il leur a dit quiconque ne revient pas sur ce qu'il a dit, je le jette dans les tranchées. Et la plupart, bien sûr, se sont jetés dans les tranchées, et ils ont dit, maintenant, on a un délit plus sûr que tu es Allah. C'est quoi? C'est le hadith qui dit « La yu'adibu bin-nar illa rabbu-nar ». Ils ont dit un hadith qui dit « Personne ne fait le supplice avec le feu sauf Allah. Et puisque toi tu nous brûles, donc c'est toi Allah. » La hawla wa la quwwata illa billah. Donc il y a une secte de cette secte qui est restée jusqu'à nos jours. Et elle dit que Ali c'est Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez parlé des cornes qu'Allah coupera. Que voulez-vous dire? Par contre, j'ai pas compris. Naam. Les cornes, c'est dire, c'est quand on parle en arabe, ça se parle en arabe. On dit par exemple, à chaque fois qu'il y a une corne de cette secte qui fait jour, on la coupe. Ça veut pas dire la vraie corne qui pousse sur la tête. Hein, quand on parle en arabe, on dit qarn kada, qarn shayatin, qarn kada. Enfin, on dit bahara qarn al khawarij. On dit la corne des kharijites a vu le jour. Bahara qarn al khubata, bahara qarn kada. Ça veut dire a vu le jour. Le hadith a dit à chaque fois que les kharijites voient le jour, parce que des fois on ne voit pas des années, ensuite ils sont là. On ne voit pas des années, ensuite ils sont là. À chaque fois Allah Azza wa Jalla leur coupe leur corne et les fait disparaître. Voilà que ça veut dire, et ça ne veut pas dire ni qu'ils ont une corne sur leur tête. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddal, inshallah ta'ala, Abu Aisha, tafaddal. Alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que les noms des deux fils de Adam sont écrits dans le Coran, barakallahu? Justement, non. Ni dans le Coran, et encore, même pas dans les hadiths véridiques. C'est pour ça que quiconque dit qu'il s'appelait Qabil ou Habil, Qabil, comme ça on dit, Qabil ou Habil, ceux-là n'ont pas de dalil. Ceux-là, ils ont pris ça de la Bible, etc. Dans le Coran, ni dans le hadith authentique, véridique, il n'y a leur nom. Il n'y a jamais leur nom, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Barakallahu fik. Oumoulina, tafaddal. Tout d'abord, je vous parle d'une nouvelle fraîche. Un talbin, bidnilek, qu'on attend, un garçon, inshallah, un petit salafi de plus, inshallah, ta'ala. Souhait, jazakallahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala, nijalahu taliba ilm. Allah ybarak, ou mashallah alayh. Allah niftali futuhat min indih. Allah niftali futuhat min indih. Ou an yukathir, inshallah, zomrat salafiyin, inshallah, ta'ala. Non. Question. Pouvez-vous rappeler le hadith? Avec Ibn Abbas, radiallahu anhu, il est khawri des montagnes où des milliers sont revenus la jazé. Nam Ali radiallahu ta'ala anhu, avant de faire la guerre aux Kharijites, il leur a envoyé quelqu'un, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdullah ibn Abbas. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Abbas était quelqu'un, comme vous savez, l'un des plus grands savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enlacé, anaqahu, et lui a fait un dua. Il a dit, Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma saqqimhu fi din wa allimhu ta'wil. Il a demandé à Allah de le rendre savant et de lui faire apprendre le Coran. Pourquoi il a choisi donc Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas, c'est quelqu'un qui connaît, c'était le meilleur qui connaissait le Coran, son explication. Et les Kharijites, bien sûr, ils ne connaissent que le Coran. Ils ne connaissent pas le Hadith. Ils connaissent seulement le Coran. C'est pour ça qu'il a envoyé Abdullah ibn Abbas. Certains disent, ils étaient 10 000. Et il y a 6 000 qui sont revenus quand ils ont entendu Abdullah ibn Abbas parler. Certains ont dit 12 000 et 6 000 ont revenu. Certains disent, ils étaient 8 000 et 4 000 sont revenus. 4 000, 6 000, mashallah. C'est dire que quoi? Ils n'ont rien dans la tête. Il leur a fait un débat. Mashallah ta'ala, un jour, je vous dirai le débat en détail. Je voudrais que je le lise du livre parce qu'il contient beaucoup de détails. Il a fait avec eux leur débat pour leur prouver qu'ils étaient en quoi? Qu'ils étaient en faute. Certains, c'est beaucoup, 4000 ou 6000, que Allah Azza wa Jal leur a voulu du bien, il les a guidés. Ils sont sortis, ils sont allés du côté de Ali radiallahu ta'ala anhu. Et les autres, que Allah Azza wa Jal a su qu'ils avaient du char, du mal dans leur cœur, il les a laissés comme ça et ils sont morts comme des chiens. والله تعالى أعلم. سؤال جواب تفضلي. سؤال جواب. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف doit être la hauteur minimale de la sutra pour la prière? La minimale c'est 45,7 cm. C'est-à-dire un demi-mètre au moins. Mais les ulama ont dit quand tu trouves pas, ça peut aller jusqu'à shibr wa shibran. Comme a dit Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Il a dit si tu trouves rien devant toi, ni un mur, ni rien, tu fais quelque chose au moins qui a chibr. Chibr, un empan ou bien deux empans, ou bien chibran, alal aql. Et ceux qui se basent sur un hadith, ils disent, tu mets un trait comme ça devant toi, c'est pas vrai. Le hadith du khat, les ulama disent, idrib alayhi khatan. Le hadith n'est pas vrai. Donc, on doit mettre au moins un empan. Bien sûr, je voudrais dire que si on trouve rien, non, c'est quand tu ouvres comme ça tes doigts. Il y en a peut-être 10 cm. Peut-être 8, 10. Comme ça, quand on ouvre les doigts comme ça, du pouce jusqu'à celui du milieu. Peut-être, je ne sais pas combien ça fait, peut-être 10 cm, peut-être. Mais bien sûr, si on ne trouve rien, on ne trouve pas la sutra, bien sûr, on fait quoi? On fait la prière. On ne dit pas, je n'ai pas trouvé la sutra, je ne la fais pas. Tu fais la prière, Inch'Allah ta'ala, c'est Jaiz, entre le pouce et le petit doigt. Naam, pardon, moi j'ai dit le milieu, ça. Le pouce et le petit doigt, pas le pouce et le milieu. Naam. Tafadal, mes questions, tafadal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh ma khairat. Ma question, est-ce que si on fait ruqya, soi-même on fait partie des gens qui ne rentrent pas au paradis sans jugement, cela concerne seulement les gens qui font appelle un raqi un khlofi. Justement, si on l'a fait à soi-même, on est rentré de, on rentre dans le hadith de ceux qui vont directement au paradis sans calcul. Parce que pourquoi? Parce que tu l'as fait à toi-même, tu n'as pas demandé un raqi. Le hadith parle de celui qui va au raqi. Et si tu l'as fait à toi-même, tu n'es pas rentré dans le hadith de ceux qui ne vont pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se la faisait à lui-même. Et Aïcha et les autres, radiallahu ta'ala, se la faisait à lui-même. Quiconque l'a fait à lui-même, il est de ceux que s'il meurt, il sera des 70 000, inshallah ta'ala, qui rentreront sans calcul. Wallahu ta'ala a'lam. Abbas, tafadlal, je vois que jusqu'à présent, aucune question ne m'est venue qui a rapport avec le DAS. Je voudrais savoir si vous avez reçu les cours. J'ai reçu les cours, mais je n'ai pas compris la différence entre le premier, le deuxième, le troisième. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences, ils m'ont paru tous les mêmes. Wallahu ta'ala, mais je n'ai pas bien lu à l'intérieur. J'ai vu comme ça, ils m'ont paru les mêmes. Lakin Allah, si je dois lire à l'intérieur, peut-être je vais trouver la différence. Wallahu ta'ala. Abbas, pouvez-vous me donner les références du verset dans le deuxième point, Al-Murji'a wa barakallahu fik. Est-ce que tu peux me dire comment commence le verset, barakallahu fik? Dis-moi, quel verset j'ai parlé, barakallahu fik. Dis-moi, quel verset j'ai parlé, jazakallahu khair, parce que j'ai oublié. Est-ce que tu veux dire, Abbas, est-ce que tu veux dire, si c'est ce verset, dis-moi seulement un. Est-ce que tu veux dire, wa akharuna murjawna li amridlah? J'ai dit, murjawna min al-irja. Est-ce que tu veux parler de celui-là? Wa akharuna murjawna li amridlah, imma yu'adibum wa imma yatubu alayhim. Est-ce que tu veux dire celui-là? Si c'est celui-là, est-ce qu'il est mon numéro 1? Naam, naam, celui-là, ça. C'est sorte... attends, je me sors à aller. Sorte Touba. Sorte Touba, c'est-à-dire la 9e sora. La 9e sora, verset 106. Verset numéro 106. Naam. Sora numéro 9, verset numéro 106. مهاجر مدينة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته deux choses sur le hadith sur le nombre des 999 sur 1000 en enfer et qui sahih le nombre il est sahih le nombre نعم. Sur, 1000, sur chaque 1999 iront en enfer et un seul ira au paradis c'est un hadith dans le Bukhari et les autres et qui sahih le nombre il est sahih et comment doit-on le comprendre barakallahu fik pour ta lumière. Jazakallahu khair. Muhajir Medina, ce hadith, les ulama ont dit, et alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, sinon c'est très grave, yani sur 1000, seulement une seule personne va aller au paradis, c'est difficile. Il va dire, sur les 1000, il y aura, l'Azouj pourra venir, ils vont rentrer dans le nombre, et c'est ceux-là que l'Azouj va rentrer le plus grand nombre. Les ulama ont dit, alhamdoulilah, il va y avoir Ya'juj ou Ma'juj, et c'est de cela que Allah Azza wa Jal va faire rentrer le plus en enfer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on sera, non, il a dit dans un hadith qu'on sera la moitié de Ahl al-Jannah, la moitié, s'il n'a pas dit les trois quarts, C'est pour ça que les 1000 hadiths, 990 qui vont rentrer, la plupart c'est de Ya'juj ou Ma'juj, alhamdoulilah. Mais nous, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, an yarhamana bi rahmatihi. Naam. Msakina bin Salima wa l'Aghrana. Tafadbalme vite, barakallahu fik. Tafadbalme vite. L'Ukht, attends, je vois l'Ukht si elle est là. L'Ukht, naam, tu continues à faire avec Talkhis. Et je te remercie beaucoup pour Talkhis, pour le résumé. Je te remercie beaucoup parce que c'est clair, c'est très clair ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai lu, c'était très clair et très simple et très compris. Barakallahu fik, continue, jazakallahu khayran, si tu peux. Si tu peux, inshallah ta'ala. Il y a des frères en France qui font la da'wa, qu'il est mieux de nos jours de rester en France que de faire la hijra, par exemple, je ne prends pas cela entre autres. Car ils disent, on pratique mieux en France que là-bas. Naam, astaghfirullah wa atubu ilayh. Quel comportement avoir envers ses frères? Envers ses frères, on essaie seulement de leur montrer la vérité. On ne fait pas la adawa, bien sûr. On ne fait pas la adawa, etc. On essaie de leur montrer que cela, inshallah ta'ala, est faux. Et que la grande pratique, puisque tu dis que c'est la pratique. La grande pratique, c'est de quitter le pays du coffre. La grande pratique, c'est de quitter quoi? Le pays du coffre. Ensuite, ça te suffit que tu es entre eux. Hein? Non, ça te suffit que tu es entre eux. Ça te suffit que du matin au soir, tu ne vois que les péchés. Depuis que tu jettes le pied dehors, jusqu'à ce que tu reviennes, tu ne vois que les choses, le munkarat. Tu ne vois que le munkarat ou le munkarat ou le munkarat. Ensuite, quelqu'un qui vit avec eux, petit à petit, il s'habitue à eux. Et petit à petit, il prend leurs habitudes. Et petit à petit, il commence à les aimer. Et quand il les aime, il commence à aimer leur religion. Il commence à aimer leur religion. Parce qu'ils prennent des pêches en faisant cette doigt. Bien sûr, parce qu'ils parlent de leur tête. Ils parlent de leur tête. Est-ce que ce sont les ulama qui ont dit ça? C'est pas les ulama. Donc, ils sont en train de parler de leur tête. Naam. Bon, il reste seulement 5 minutes. Tfadal Fawz. Fawz Salaf. Tfadal Barak. Naam. Tfadal Billoura Al-Arabiya. Fawz. Tfadal. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم مجهودكم. سؤال الأول. شيخنا في صلاة الجمعة ونحن نصلي ويخرج أحدنا من تسوية الصفوف. يعني يصبح الصف غير مسوي. هل يجوز أن نجلب الشخص الذي يخرج باليدين يعني نجلبه إلى الوراء؟ وجزاكم الله خيرا. خليني نفهم أولا ما فهمتش جيدا. ونحن نصلي ويخرج أحدنا من تسوية الصفوف. يعني يصبح الصف غير مسوي. هل يجوز نجلب الشخص الذي يخرج باليدين يعني نجذبه إلى الوراء؟ وجزاكم الله خيرا. واسمك فوز. يعني يخرج من الصف ولا يكون معتدلا. نعم صح. أنا فهمت أنه يخرج من الصف يعني يريد أن يذهب مثلا إلى النادي. نعم أنا فهمت. ماذا فهمت؟ أنه يخرج يعني يذهب إلى مكان ولا أنت ترجع ولا تتركه يذهب. لهذا يعني ادهشني السؤال. نعم هو إذا كان قليلا ميل الأمام أو قليلا ميل الوراء تستطيع أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا من مصلحة الصلاة وهذا واجب. يعني أن يكون الصف مستويا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال بين صفوفكم قال بين وجوهكم. إذن لما أصبح الأمر أصبحت تسوية الصفوف واجبة وكان هذا الأمر لا يتم إلا بأن نجذب هذا الإنسان والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأصبح جذبه واجبا ولأنه في الصلاة يجوز أكثر من هذا. في الصلاة يجوز أن تسلم ترد السلام. رد السلام يجوز أن تفعله في الصلاة. تفتح الباب يجوز أن تفعله في الصلاة. يعني أمور كثيرة. عبد الله بن عباس كان يصافح في الصلاة. فما بالك يعني من أجل فعل واجب. والله عز وجل أعلم. Je crois que on a terminé aujourd'hui parce que il est déjà une heure. On a dépassé la heure. Je voudrais seulement dire à je ne sais pas si elle est là. سؤال ثاني بالنسبة لتتمة الصلاة عند الدخول متأخرا. هناك من يقول عند النهوض لتكميل الركعان أنه يتم صلاة حسب الترتيب يعني مثل يدخل صلاة المغرب في الركعة الثانية الجهرية. فهناك من يقول أن تتمة الصلاة تكون متابعة الركعة الأخيرة يعني تكون ركعة تيمم لتتميم الصلاة كالركعة الأخيرة يعني سرون ولا إلا بقراءة الفاتحة. أرشدون جزء من الله ومسان. نعم المسألة فيها خلاف. والصحيح أخي فوز والصحيح أنك تجعل آخر ما قرأته مع الإمام هو الأول. تجعل آخر ما قرأته مع الإمام هو الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فيما معناه قال يعني الإنسان ذهب إلى المسجد فإن أدرك مع الإمام قال فليصلي قال وإذا سلم الإمام فليتم قال فليتم ذكر الإتمام وفي حديث ثاني أنه ذكر القضاء، والقضاء في اللغة هو الإتمام، لأن الله تعالى قال في القرآن فإذا قضيتم مناسككم. ما معنى قضيتم؟ تقضي الماضي؟ لا، يعني أتممتم مناسككم. وقال الله عز وجل أيضا في القرآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت يعني أتممتموها. فهنا الحديث قال فليتم، يتم يعني أعطيك مثالا، أنا وصلت إلى صلاة المغرب مثلا، وصلت في الثالثة، وجدت الإمام يقرأ سرا في الثالثة، صح؟ أقرأ معه سرا، ثم أنزل معه أسجد، ثم أجلس، هو يسلم وأنا أقوم. أنا أحسب هذه الركعة الأخيرة أحسبه هي الأولى بالنسبة لي، أقول هذه الأولى، كأني الحين وحدي وصلي في المغرب، صليت الأولى، بقي اثنتان، كيف تكون الثانية؟ الثانية جهرا وفاتحة وأجلس وتشهد، والثالثة فقط سرا. ولهذا لو أدرك الإمام مثلا في الثالثة في الظهر، أدرك الإمام في الثالثة في الظهر، عفوا في الثالثة في العشاء، ماذا يفعل؟ يصلي معه الثالثة سرا والرابعة سرا، يجلس يتشهد ويقوم يصلي ركعتين سرا فقط بالفاتحة، فيكون صلى العشاء كلها أربع ركعات سرا بالفاتحة. والله تعالى علم، هذا هو الأرجح الأصح إن شاء الله تعالى من القرآن ومن السنة إن شاء الله تعالى. تفضل أخي أبو مريم، تفضل. الحديث، نعم، كاليس الحديث، نعم، جستمون تما في غفلي كيك شوز تما في، نعم، جزاك الله خير، تما في غفلي كيك شوز. يا كالكين كي ما دموندي كالي لو سونس دو سو حديث، نعم، لي دي بار النسائي، كالكين ما دموندي كالي لو سونس دو حديث، اي موجبولي لوي دير، فوالا كالي سي الشرح، جزاك الله خير. Moi, je voulais lui dire, aujourd'hui, je voulais lui dire et j'ai oublié. Je voulais lui dire, il faut qu'il me donne comment commence ce hadith pour que je le cherche. Pour que je cherche où il est et je cherche son sharh. Il faut que cette personne me dise, inshallah ta'ala, comment, à la rigueur, comment commence le hadith. Je ne vais pas chercher dans le nasaï comme ça ou je ne sais pas où il est. Il faut qu'il me donne, inshallah ta'ala, son début et moi, inshallah ta'ala, je lui donnerai son sharh. Le sharh de ce hadith, inshallah ta'ala. En ce qui concerne hier, il y avait, je ne sais pas s'il est là ou là, s'il n'est pas là, la personne. Une personne qui m'avait parlé hier du Wesmo. De salam alaykum et alayka salam, etc. Moi, j'avais dit hier qu'on pouvait dire. On pouvait dire à quelqu'un qui nous dit salam alayka, on lui dit alayka salam. Ah, c'est toi. D'accord. J'avais dit hier que c'était possible. Il y a beaucoup de hadiths où il est dit qu'on peut dire assalamu alayka et on peut dire wa alayka salam. Mais la orte d'hier qui s'est trompée, pourquoi? Parce qu'elle parlait d'un autre hadith qui disait que il y a quelqu'un qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam alayka salam ya Rasulallah, alayka salam ya Rasulallah. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ne dis pas cela, ne dis pas cela, fa innaha tahiyat al-mawta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, il lui a dit que quand on dit à quelqu'un alayka salam, c'est tahiyat al-mayyit, c'est le mayyit, le mort, tu lui dis alayka salam, mais le vivant tu lui dis assalamu alayk. Mais moi hier je ne parlais pas de est-ce qu'on dit alayka salam ou salamu alayk, je parlais qu'on pouvait dire salamu alayka, c'est-à-dire pas au pluriel, à quelqu'un on peut lui dire salamu alayka au lieu de salamu alaykum s'il est seul. Et lui, il nous répond « Wa alayka salam ». Ça, voilà ce que je voulais dire. Mais l'autre a parlé de l'inverse. Il dit « On ne peut pas dire alayka salam ». Ça, on ne peut pas dire alayka salam parce qu'on a inversé. On doit commencer par « Assalam ou alayka ». Et il y a beaucoup d'ahadiths qui sont là avec moi, celui qui veut que je les lui donne, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a répondu « Wa alayka salam ». Déjà, comme dans le hadith « Moussi salat », celui qui a fait la prière trois fois, il a fait force. À chaque fois, il voyait le prophète alayhi wa sallam, il lui disait « السلام عليك. البروفيت عليه الصلاة والسلام يقول وعليك السلام. Et même dans ce hadith là que je viens de citer maintenant, je viens de citer, قلت يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام. قال إن عليك السلام تحية الميت. Il lui a dit ne dis pas عليك السلام تحية الميت. C'est le mort à qui on dit عليك السلام. Ensuite, il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, c'est-à-dire il lui a rendu, il lui a dit wa alayka wa rahmatullahi wa alayka wa rahmatullahi wa alayka wa rahmatullah. C'est dans le Sahih Tirmidhi de l'Albani numéro 2721. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu trois fois. Il lui a dit wa alayka wa rahmatuhu, wa alayka wa rahmatuhu, wa alayka wa rahmatuhu. Donc on peut dire wa alayka, c'est pas à peine de dire wa alaykum. Parce que c'est une seule personne. Et lui aussi, c'est pas la peine, il dit alaykum, salam alaykum. Il dit seulement salam alayka à une personne. Mais s'il dit salam alaykum, c'est valable. Mais ce qui n'est pas valable, c'est d'inverser. Dire alaykum salam. Moi, des fois, des gens m'écrivent en PV ici, à les mails, ils me disent alaykum salam. C'est faux, il faut dire salam alaykum, ou salam alayka. Et moi, je leur réponds, wa alaykum salam. Ensuite, les anges, quand ils sont au Adam alayhi salam, il leur a dit salam alaykum. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Wa alayka salam. Ils n'ont pas dit wa alaykum salam. Ensuite, j'ai ici, moi, devant moi, trois ou quatre ou cinq hadiths qui sont devant moi pour dire cela. C'est pas la peine de les dire, Inch'Allah ta'ala, vous avez compris. Je donne la question à, pardon, Malik, c'est la dernière, Inch'Allah ta'ala, on arrête là. Siti Barakallah. Abdel Malik, ta fadal, Inch'Allah ta'ala. Je ne vois pas. Abdel Malik, est-ce que tu as écrit quelque chose? Ah, on ne veut pas se baisser, hein. Donc, c'est pas de ta faute. Khalas, maintenant, elle est baissée. Akhi Muslim, j'avais dit que c'était la dernière question, Inch'Allah Ta'ala. J'avais dit, parce que, comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on va pas arrêter jusqu'à demain. Aqul ma tisma'oun, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mais j'aime pas que mon frère Muslim Kola va dormir avec quelque chose dans le cœur. C'est pour ça que je lui enlève la rouge. C'est le dernier, Inch'Allah Ta'ala. Pose ta question, Akhi Muslim Kola. Pose ta question, Inch'Allah. Parce que je savais que tu n'allais pas dormir la nuit. Est-ce que le but de la vie est là? Le but de la vie, s'il est dans la liste ici, le but de la vie. Est-ce qu'il est dans la liste ici? Question très urgente. Tu veux qu'elle soit en PV, Inch'Allah? Tu veux qu'elle soit en PV? Ah, jazakallahu khairan. En PV, naam. Est-ce que le but de la vie est là? Qui peut me dire s'il est là seulement? La liste est longue. Attends. Ah oui, il est là. Ah, de Clarem. Parce que. Parce qu'hier, quand j'ai parlé du Wesmo, quand j'ai parlé du pot de fleurs qui était tombé, ah, j'ai dit peut-être que ça lui a fait mal ou quelque chose et qu'il n'est pas venu assister au DAS. Ça, je voudrais être sûr que c'était un exemple qui lui est rien arrivé, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant qu'il est avec nous, ça, Jazakallahu Khayran. On se rencontre demain, Inch'Allah, pour le dos du fiqh. Demain, Inch'Allah, c'est le taïmoum. On va parler du taïmoum. Quand est-ce qu'il est juste, quand est-ce qu'il est faux, quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait pas. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il reste juste les louches et les monstres. On rentre directement dans la salat, Inch'Allah, car c'est très important, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.